Nouvelle 9e, l'imposteur confondu ou la femme justifiée. Des affaires de commerce avaient appelé à Paris des négociants d'Italie. Ils étaient logés dans la même auberge et se faisaient un plaisir de manger ensemble. Un soir, sur la fin du souper, étant plus gais qu'à l'ordinaire, ils se mirent à raconter des histoires de galanterie. La conversation tomba insensiblement sur leur propre femme, car ils étaient tous mariés. « Je ne sais ce que fait la mienne, » dit l'un, « mais je sais bien que lorsque je trouve l'occasion de goûter d'un mets étranger, j'en profite avec plaisir. »« J'en fais tout autant, » répondit un autre, « et il y a grande apparence que ma femme suit le même système. En tout cas, que je le croie ou non, il n'en sera ni plus ni moins. » Un troisième tint à peu près le même langage, et chacun parut persuadé que sa femme mettait le temps et l'absence du mari à profit. Un seul, nommé Bernard Lomelin de Gênes, fut d'un sentiment contraire, du moins pour ce qui le regardait, assurant que, par la grâce de Dieu, il avait la femme la plus honnête et la plus accomplie de toute l'Italie. Il fit ensuite l'énumération de ses belles qualités, l'éloge de sa beauté, de sa jeunesse, de sa vivacité, de la finesse de sa taille, de son amour pour le travail et de son adresse pour tout ouvrage de femme, ajoutant que le plus habile écuyer tranchant ne pouvait se flatter de servir à table avec plus d'aisance, de grâce et d'honnêteté. Il loua encore son habileté à manier un cheval, à élever un oiseau, son talent pour la lecture, l'écriture, la tenue des livres de compte et pour toutes les affaires de commerce. Après avoir ainsi loué ses différentes qualités, il en vint à l'objet en question et soutint qu'il n'existait pas de femme plus chaste et plus vertueuse, au moyen de quoi il était très persuadé que quand il serait absent 10 ans de suite, toute la vie même, elle ne songerait jamais à lui faire d'infidélité. Ces dernières paroles firent éclater de rire un jeune homme de la compagnie, nommé Ambroise de Plaisance. Pour se moquer de Bernard, il lui demanda si l'empereur lui avait donné un privilège si singulier. Le Génois, un peu piqué, lui répondit que ce n'était point de l'empereur qu'il tenait cette grâce, mais de Dieu même, qui avait un peu plus de puissance que l'empereur. « Je ne doute point, » réplique aussitôt Ambroise, « que vous ne soyez de très bonne foi, mais vous me permettrez de vous dire que ce n'est pas connaître la nature de la chose dont il s'agit que d'en parler comme vous faites. Si vous l'aviez examiné sans prévention, vous penseriez tout autrement. Ne vous figurez pas au reste, malgré ce que nous avons pu dire de nos femmes, que nous ayons plus sujet de nous en plaindre que vous de la vôtre. Mais nous n'en avons parlé de la sorte que d'après la connaissance que nous avons des personnes du sexe en général. Mais raisonnons un peu sur cette matière. N'est-il pas vrai? Et tout le monde ne connaît-il pas que l'homme est l'animal le plus parfait qui soit sorti des mains du Créateur? La femme ne tient donc que le second rang. Aussi tout le monde s'accorde-t-il à dire que l'homme a plus de courage, de force et de constance, et que la femme est timide et changeante. Je pourrais vous développer ici les raisons et les causes de cette différence, mais il est inutile d'entrer à présent dans cette discussion qui nous mènerait trop loin. Concluons seulement que si l'homme, étant plus ferme, plus fort et plus constant, ne peut résister, je ne dis pas une femme qui le prévient et le provoque, mais même au seul désir qui le porte vers celle qui lui plaît, s'il ne peut s'empêcher de tenter tous les moyens possibles d'en jouir, s'il succombe enfin toutes les fois que l'occasion se présente, comment une femme, naturellement faible et fragile, pourra-t-elle se défendre des sollicitations, des flatteries, des présents, de tous les ressorts, en un mot, que fera jouer un amoureux passionné? Pouvez-vous penser qu'elle résiste longtemps? Vous avez beau en paraître persuadé, j'ai peine à croire que vous soyez assez simple pour être de bonne foi sur cet article. Quelque estimable que soit votre femme, elle est de chair et d'os comme les autres, sujette aux mêmes passions, aux mêmes désirs, aux mêmes poursuites. Or, comme l'expérience prouve tous les jours que les autres succombent, il est très possible et même très vraisemblable qu'elle succombe aussi, toute vertueuse que je la suppose. Mais quand cela ne serait que possible, vous ne devriez pas le nier aussi opiniâtrement que vous le faites. « Je suis négociant et non philosophe, » répondit Bernard. Comme négociant, je réponds que ce que vous dites peut arriver aux femmes qui n'ont point d'honneur. Mais je soutiens que celles qui en ont sont plus fermes, plus constantes, plus inébranlables que les hommes, qui, comme vous savez, sont continuellement occupés à tendre des pièges à leurs vertus, et je suis intimement persuadé que ma femme est du nombre de ces dernières. Si toutes les fois que les femmes ont des complaisances pour d'autres que pour leur mari, reprit Ambroise, il leur venait une corne au front, je ne doute point que le nombre des infidèles ne fût très petit. Mais comme il n'y a point de signe qui distingue les sages de celles qui ne le sont pas, leur honneur ne court aucun danger. Il n'y a que la publicité du fait qui puisse le leur faire perdre. Par conséquent, il n'est pas douteux que celles qui sont assurées du secret ne se livrent à leur penchant. Ce serait sottise de leur part si elles résistaient. D'où je conclus qu'il n'y a de prudes et de fidèles que celles qui n'ont pas été sollicitées ou qui ont été refusées si elles ont fait elles-mêmes les avances. Quoique ce soit là le sentiment de tout le monde, je ne parlerai pas si positivement si moi-même je n'en avais fait mille fois l'expérience. J'ajoute hardiment que si je me trouvais auprès de votre femme, de cette femme si honnête, si vertueuse, il ne me faudrait pas beaucoup de temps pour la déterminer à faire avec moi ce que j'ai fait avec tant d'autres, qui se piquaient comme elle d'une grande honnêteté. « Cette contestation, répliqua Bernard tout en colère, nous mènerait trop loin. Ce ne serait de part et d'autre qu'objection, que contradiction, et nous n'aurions jamais fini. Mais puisque vous êtes si prévenu contre la vertu des femmes, et que vous pensez qu'aucune ne pourrait vous résister, je gage ma tête à couper que tout votre talent échoue contre la mienne. Et si vous perdez, vous en serez quitte pour mille ducats. Que ferais-je de votre tête ? Répondit Ambroise, qui commence à s'échauffer, si je gagnais la gageure. Mais si vous voulez être bien convaincu que je n'avance rien que je ne puisse exécuter, gagez 5 000 ducats, qui doivent vous être moins précieux que votre tête, contre 1 000 des miens, et je suis votre homme. Quoique vous ne prescriviez point de temps, je ne demande que 3 mois à dater de ce jour pour rendre votre femme docile à mes désirs. Si vous consentez à ma proposition, j'offre de vous apporter de si bonnes preuves du succès de mon voyage que vous en serez pleinement convaincu. Mais j'exige aussi de vous que vous ne viendrez pas à Gênes et que vous n'écrirez point à votre Lucrèce pour l'informer du pari. » Bernard répondit qu'il ne demandait pas mieux et il accepta les conditions. Les autres négociants, craignant que cette gageure n'eût des suites fâcheuses, firent de vains efforts pour la rompre. Ils étaient l'un et l'autre si échauffés qu'ils ne voulurent rien entendre et qu'ils s'engagèrent par un écrit en forme. Ambroise part le lendemain de Paris pour se rendre à Gênes. À peine est-il arrivé qu'il s'informe de la demeure et de la conduite de la dame. Apprenant par la voix du public qu'elle était encore plus prude, plus farouche que son mari n'avait dit, il crut avoir tenté une entreprise folle dont il ne lui serait pas possible de venir à bout. Toutefois, ayant lié connaissance avec une vieille femme qui allait souvent voir la dame, et que celle-ci aimait beaucoup, il résolut de pousser plus loin l'aventure. Cette femme ne fut pas si facile qu'il l'avait imaginée. Il eut recours à l'argent et parvint à la séduire. Tout ce qu'elle put faire pour le service du galant fut de l'introduire par un stratagème dans la chambre de la Vierge. Il fut conclu qu'Ambroise ferait faire un coffre à sa fantaisie, qu'il s'enfermerait dedans et que la bonne femme, sous prétexte de voyage, prierait la femme de Bernard de le lui garder pour quelques jours et de le placer, pour plus grande sûreté, dans un coin de la chambre où elle couchait. Ce qui fut dit fut fait. Vers le milieu de la nuit, lorsqu'Ambroise crut que la dame dormait d'un profond sommeil, il sortit du coffre, dont la serrure était de celle qui s'ouvre par dedans et par dehors. Il trouve la chandelle allumée, car on n'était pas dans l'usage de l'éteindre. Elle lui sert à examiner la forme de l'appartement, les tapisseries, les tableaux, les autres ornements, et il grave l'idée de tous ces objets dans sa mémoire. Il s'approche ensuite du lit. La dame était couchée avec une petite fille. Les voyant tous deux dormir profondément, il découvre la mère avec une grande précaution et trouve que ses charmes les plus cachés répondaient parfaitement à ceux de son visage. Comme elle était nue ainsi qu'un verre, rien ne l'empêcha de la considérer à son aise pour voir s'il n'avait rien de particulier sur son corps. À force d'en parcourir des yeux les diverses parties, il remarqua sous sa mamelle gauche une petite excroissance ou poireau entourée de quelques poils blonds comme de l'or. Après l'avoir bien examinée, il la recouvrit tout doucement, non sans éprouver de vives émotions. Il fut même tenté, au péril de sa vie, de se coucher auprès d'elle. Mais comme il savait qu'elle n'était pas de facile composition, il n'osa rien risquer. Il visait de nouveau tous les coins de la chambre, et voyant une armoire ouverte, il en tire une bourse, une ceinture, un anneau et une méchante robe qu'il met dans son coffre où il se renferme sans faire le moindre bruit. Il y passa encore deux nuits, comme il s'y était attendu. Le troisième jour étant venu, la bonne vieille se représenta pour demander son coffre, ainsi qu'on en était convenu, et le fit porter au lieu où elle l'avait pris. Ambroise, sorti de cette étroite prison, récompensa la vieille et reprit le chemin de Paris avec les nippes qu'il avait dérobées à la femme de Bernard, connue sous le nom de Madame Genèvre. Il fut de retour bien avant l'expiration des trois mois, et trouva à l'auberge les mêmes négociants qui avaient été témoins de sa gageure. Il les assembla, et leur dit en présence de Bernard qu'il avait gagné le pari, puisqu'il avait accompli ce à quoi il s'était engagé. Pour prouver qu'il n'en imposait point, il se mit à faire la description de la chambre à coucher de la dame, fit le détail des peintures dont elle était ornée, et montra les nippes et les bijoux qu'il avait enlevés, disant que la dame lui en avait fait présent. Bernard, un peu décontenancé, avoua que la chambre était faite comme il le disait. Il convint aussi que les bijoux avaient effectivement appartenu à sa femme, mais il voulait d'autres preuves, disant, pour ces raisons, qu'Ambroise avait pu acheter ses bijoux de quelque domestique, qu'il lui aurait également donné les renseignements sur la forme de la chambre, du lit et des autres meubles de sa femme. « Cela devrait suffire, » répondit Ambroise, « mais puisque vous voulez de plus fortes particularités, je vous satisferai. Madame Genèvre, votre digne moitié, a sous le téton gauche un poireau assez gros, autour duquel il y a cinq ou six poils parfaitement ressemblant par leur couleur à de petits fils d'or. » Ces mots percèrent le cœur de Bernard. Il partit aussitôt de France pour venir à Gênes et s'arrêta dans une de ses maisons de campagne qui n'en était qu'à 10 lieues. Il écrivit de là à sa femme pour l'engager à venir le trouver et lui envoyer un domestique de confiance avec 2 chevaux. Il commanda ce valet de l'assassiner sans pitié dès qu'il se trouve avec elle dans certains lieux peu fréquentés et de revenir au plus vite après l'avoir tué. L'émissaire, arrivé à Gênes, remit la lettre à Madame Genèvre, qui, apprenant le retour de son mari, la reçut avec de grandes démonstrations de joie. Elle partit dès le lendemain pour aller le rejoindre, accompagnée du seul domestique qui venait la chercher. Ils arrivent, tout en causant, dans une vallée profonde et solitaire, bordée de hautes collines et couverte de bois. Ce lieu lui parut propre à l'exécution des ordres de son maître. Il tire son épée et, saisissant la dame par le bras, « Madame, lui dit-il, recommandez votre âme à Dieu, il vous faut mourir sans aller plus loin. » « Bon Dieu ! » s'écria-t-elle tout épouvantée. « Que t'ai-je fait pour vouloir m'assassiner ? Suspends ta cruauté pour un moment. Dis-moi, de grâce, avant de me tuer, en quoi j'étais offensée ? Et ce qui te porte à vouloir m'arracher la vie ? Madame, vous ne m'avez point offensée. J'ignore même si vous avez offensé votre mari. Mais il m'a commandé de vous tuer sans miséricorde, et m'a même menacé de me faire pendre si je n'exécutais ses ordres. Vous savez combien je dépends de lui, et l'impossibilité où je me trouve de pouvoir lui désobéir. Dieu m'est témoin que j'agis à contre-cœur, que je plains votre destinée, mais enfin, il faut que je suive ses ordres. « Ah, bon Dieu, mon ami, dit Madame Genèvre en pleurant, je prends mon bon ange et tous les saints témoins que je n'ai jamais rien fait à mon mari qui mérite un traitement si barbare. Je te demande la vie. Ne te rends pas coupable d'un homicide pour plaire à ton maître. Je voudrais pouvoir te faire lire dans le fond de mon cœur. Tu en aurais pitié, le voyant innocent. Mais sans chercher à me justifier, daigne écouter ce que je vais te dire. Tu peux me sauver et contenter ton maître. Prends mes habits et donne-moi seulement une partie des tiens. Mon mari croira sans peine que tu m'as tué. Je te jure, par cette vie que je te devrais, que je m'en irai si loin que ni toi, ni lui, ni personne de ce pays n'entendra jamais parler de moi. Le valet avait trop de répugnance à l'assassiner pour ne pas se laisser fléchir. Il prit ses habits, lui donna une mauvaise veste et un chapeau, lui abandonna le peu d'argent qu'elle avait sur elle, et la laissa dans cette vallée en lui recommandant de s'éloigner le plus qu'elle pourrait. De retour chez son maître, il lui dit qu'il avait exécuté ses ordres et qu'il avait vu des loups qui commençaient déjà à prendre soin de la sépulture de sa femme. Quelques jours après, Bernard se rendit à Gênes. La disparition de sa femme le fit soupçonner de s'en être défait, et ce soupçon lui rendit l'horreur des honnêtes gens. L'infortunée Madame Genèvre, ayant un peu calmé sa douleur par l'idée d'avoir échappé à la mort, se cacha le mieux qu'elle put jusqu'aux approches de la nuit. Puis, quand le jour eut achevé de disparaître, elle gagna un petit village peu éloigné de cette même vallée qui avait failli lui être si funeste. Une bonne femme chez qui elle entra, touchée de son triste état, s'empressa de la secourir. Elle lui donna une aiguille, du fil et des ciseaux, pour ajuster les guenilles qui la couvraient. Elle raccourcit la veste, l'accommoda à sa taille, fit de sa chemise des hautes choses à la matelote, et se coupa les cheveux, qu'elle avait très longs et très beaux. Le lendemain, ainsi déguisée en marin, elle prit son chemin du côté de la mer. Elle fit la rencontre d'un gentilhomme catalan, nommé Seigneur Encarache, maître d'un vaisseau qui était à la rade, proche de la ville d'Albe. Il avait quitté son bord pour aller se rafraîchir à une fontaine peu éloignée du port. La dame ne l'eut pas plutôt aperçu qu'elle courut à lui. Elle causa quelque temps avec ce seigneur, et le pria de la prendre à son service, ce qu'il fit d'autant plus volontiers qu'il fut charmé de son esprit et de sa figure. Il l'amena dans son vaisseau et lui fit donner de meilleurs habits. On devinait aisément qu'elle eut grand soin de lui cacher son sexe et son nom. Elle se fit appeler Sicurant de Final. Le capitaine fut si content de son service et de son intelligence qu'il se félicitait de ce que le hasard lui eût fait rencontrer un si bon domestique. Le vaisseau était chargé pour la ville d'Alexandrie, où il arriva à bon port en très peu de temps. Encarache, qui avait fait les frais de la cargaison, avait apporté plusieurs faucons passagers dans l'intention d'en faire présent au Soudan. Ce monarque l'accueillit avec bonté et l'invita plusieurs fois à dîner à sa table. L'air de Sicurant et la manière avec laquelle il servait son maître pendant leur repas plurent si fort au Soudan qu'il le demanda au gentilhomme catalan. Celui-ci n'osa le lui refuser, quelque attaché qu'il fût à ce bon serviteur. En peu de temps, Sicurant fut aimé du Soudan autant qu'il l'avait été du capitaine. Il ne se passait presque pas de jour qu'il n'en reçût quelque bienfait. Il y avait tous les ans dans la ville d'Acre, qui était dépendante de ce souverain, une espèce de foire où un grand nombre de négociants, chrétiens et sarrasins, se rendaient de tous les pays. Outre la garnison et les officiers de justice qu'il y avait dans cette ville pour y maintenir l'ordre, le prince avait coutume d'y envoyer, durant la foire, un corps de troupes choisi, commandé par un homme de confiance et destiné à la garde des marchands et des marchandises. Le temps de cette foire étant arrivé, Sicurant, qui savait déjà la langue du pays, eut ordre d'y aller en qualité de commandant. Il s'acquitta on ne peut mieux de la commission. Son emploi le mit à portée de conférer souvent avec les marchands, parmi lesquels il rencontra des Siciliens, des Pisans, des Génois, des Vénitiens. Comme son pays lui était toujours cher, il se plaisait surtout à s'entretenir avec des Italiens. Se trouvant un jour dans une boutique de marchands vénitiens, il vit, parmi d'autres bijoux, une bourse et une ceinture qu'il reconnut pour lui avoir appartenu. Il en fut fort surpris, mais dissimulant sa surprise, il demanda à qui appartenaient ces bijoux et si on voulait les vendre. Ambroise de Plaisance, qui était venu à cette foire, avec beaucoup de marchandises, sur un vaisseau vénitien, entendant le commandant de la garde, s'avança et dit en riant « Ils sont à moi et je ne veux point les vendre, mais s'ils vous font plaisir, je vous prie de les accepter en présent. » Sicurant, ayant remarqué qu'Ambroise souriait en lui parlant, craignit d'avoir fait quelque geste trop expressif. Il prit cependant un air assuré pour lui dire en italien « N'est-il pas vrai que vous riez de ce que, tout homme de guerre que je suis, je m'attache à ces colifichets de femmes ?»« Non, monsieur, » répondit Ambroise. Je ris de la manière dont j'en ai fait l'acquisition. Serait-ce une indiscrétion de vous demander comment vous les avez acquis ? Reprit le capitaine. Monsieur, répondit Ambroise, ces bijoux et plusieurs autres m'ont été donnés par une jolie femme de Gênes, connue sous le nom de Madame Genèvre. Une nuit que je couchais avec elle, comme elle m'a prié de les garder pour l'amour d'elle, je ne crois pas devoir m'en défaire, mais vous m'obligerez de les recevoir en don pour peu qu'ils vous plaisent. Je ne saurais les regarder sans rire, parce qu'il me rappelle la sottise de son mari, qui fut assez fou pour parier 5 000 ducats contre 1 000 que je n'obtiendrais pas les faveurs de sa femme, qu'elle ne donnait, dit-il, qu'à lui seul. J'en vins pourtant à bout, comme vous pouvez le croire, et je gagnai le pari. Ce bonhomme, qui aurait dû se punir lui-même de sa sotte crédulité, plutôt que de blâmer sa femme d'avoir fait ce que font toutes les autres, la fit assassiner, m'a-t-on dit, dès qu'il fut à portée de se venger de son infidélité. » Sicurant n'eut point de peine à comprendre qu'elle avait été le sujet de la colère de son mari, et connut clairement qu'Ambroise était la seule cause de son malheur. Résolu de ne pas laisser ce crime impuni, il feignit de s'amuser beaucoup de cette aventure, se lia dès ce moment avec le marchand, et sut si bien l'amadouer qui lui persuada, quand la foire fut finie, de faire transporter tout ce qui lui restait de marchandises à Alexandrie, lui promettant de lui en faire tirer grand parti. Pour mieux assurer son coup et avoir le temps de bien prendre ses précautions, il l'engagea à se fixer pour quelques années dans cette ville et lui procura des fonds et d'autres secours pour l'y déterminer. Ambroise y consentit d'autant plus volontiers qu'il y faisait des profits considérables. Sicurant, jaloux de se justifier dans l'esprit de son mari, chercha tous les moyens de l'attirer aussi à Alexandrie. Il y réussit par l'entremise de plusieurs négociants génois, nouvellement établis dans cette ville. Bernard, qui ne se doutait pas du sujet pour lequel il était mandé, arriva en mauvais équipage. Il fut reçu secrètement par un ami de Sicurant, qui, sous de vains prétextes, le retint chez lui jusqu'à ce qu'on eût trouvé le moment favorable pour l'exécution du projet. Afin de disposer les choses, Sicurant avait fait raconter l'aventure d'Ambroise par Ambroise lui-même, en présence du Soudan, qui s'en amusa beaucoup. Quand son mari fut arrivé, il pria le monarque, qui ne lui refusait rien, de se la faire conter une seconde fois en présence de Bernard, qui était en ville et qui l'avait déterré. « Je crains fort, ajouta-t-il, qu'Ambroise n'ait déguisé la vérité dans son récit et que le Génois ne se soit trop pressé de condamner sa femme. Mais si votre hôtesse daigne lui ordonner de dire au vrai comment la chose s'est passée, je ne doute pas qu'il n'obéisse. Et s'il s'y refuse, je sais un moyen sûr pour le contraindre à dire la vérité. » Ambroise et Bernard ayant paru devant le Soudan, ce prince prit un ton sévère et, paraissant instruit de toutes les circonstances de l'aventure, commanda au premier d'en faire le récit et de dire, sans aucun déguisement, de quelle manière il avait gagné les 5000 ducats, le menaçant des plus cruels supplices s'il déguisait en rien la vérité. Ambroise, effrayé de cette menace et croyant le monarque plus instruit qu'il ne l'était, se détermina, malgré la présence de Bernard et de toute la cour, à raconter au vrai comment la chose s'était passée, persuadé qu'il en serait quitte pour rendre les 5000 ducats et les bijoux qu'il avait pris. Après qu'il eut tout dit, Sicurant, en qualité de ministre de sa hôtesse, prit la parole et s'adressant à Bernard. « Et toi, dit-il, que fis-tu de ta femme après une telle imposture ?»« Emporté par la colère et la jalousie, répondit-il, désespéré d'avoir perdu mon argent et mon honneur, je jurai sa mort et la fis tuer par mon valet. » Et que fîtes-vous de son corps? Suivant le rapport de l'esclave, son corps devint aussitôt la proie des loups. Le ministre du Soudan, qui avait caché à son maître la véritable raison pour laquelle il l'avait supplié de faire comparaître les deux marchands, se tourne alors vers lui et dit « Vous voyez, Seigneur, bien clairement, comment cette pauvre dame a été malheureuse en mari et en amant. Ce dernier lui enlève l'honneur par l'imposture la plus atroce et ruine son mari. L'autre, trop crédule, la fait tuer et la laisse manger au loup. Voilà ce qui s'appelle un amant et un mari bien tendre. Je parie que s'ils étaient dans le cas de revoir cette femme infortunée, aucun d'eux ne la reconnaîtrait, tant leur amour a été grand. Mais vous êtes équitable, Seigneur, et vous voyez vous-même ce qu'ils ont mérité l'un et l'autre. Je n'ai pas besoin de vous supplier de punir le trompeur. Son crime est trop grand pour obtenir grâce. Mais pour le tromper, tout indigne qu'il est de pardon, j'ose vous la demander pour lui, et si vous daignez la lui accorder, je m'engage à faire paraître ici sa femme. » Le Soudan, qui aimait beaucoup son ministre, promit de se conformer à ses désirs et lui dit de faire venir la femme. On imaginait aisément quel dut être l'étonnement de Bernard, qui croyait que sa femme n'existait plus, et celui d'Ambroise, qui craignait bien de n'en être pas quitte pour la restitution des ducats. Sicurant se jette aussitôt aux pieds du monarque, et perdant pour ainsi dire la voix d'homme avec la volonté de le paraître, « C'est moi, Seigneur, dit-il en pleurant, c'est moi-même qui suis la femme de Bernard, la malheureuse Genèvre, qui ai couru pendant 6 ans le monde, travesti en homme, calomnié si odieusement par le perfide Ambroise et livré par mon cruel époux au glaive assassin d'un valet et à la dent des bêtes carnassières. » Après ces mots, elle déchire ses habits, découvre son sein et fait voir une femme aux yeux du Soudan et de toute l'assemblée. Puis se tournant vers Ambroise, elle lui reproche éloquemment sa fourberie. Celui-ci, la reconnaissant, ne sut que répondre. La honte et les remords lui fermaient la bouche. Le prince, qui ne s'était jamais douté que Sicurant de Final fût une femme, était si fort étonné de tout ce qu'il voyait et entendait qu'il croyait que c'était un rêve. Revenu des premiers mouvements de sa surprise et reconnaissant la vérité, il loua hautement les mœurs, le courage, la conduite et la vertu de Madame Genèvre. il lui fit donner des habits magnifiques et des femmes pour la servir. Par pure considération pour la prière qu'elle lui avait faite, il pardonna à Bernard l'excès de sa barbarie, fruit de sa crédulité. Cet homme, sensible à la grâce qu'on lui accordait par égard pour celle dont il avait ordonné la mort, verse des larmes de joie et de repentir, se jette aux genoux de sa femme et lui demande pardon. La vertueuse Genève lui représente ses torts avec douceur, lui dit qu'elle les oublie, puis elle le relève et l'embrasse tendrement comme son époux. Ambroise de Plaisance subit la juste punition de son crime. Le Soudan ordonna qu'il fût attaché tout nu à un pal, dans un lieu élevé de la ville, après qu'on aurait frotté son corps de miel, depuis les pieds jusqu'à la tête, avec défense de l'en détacher, qu'il ne fût entièrement pourri ou dévoré par les insectes. Il voulut que tout son bien, qui valait près de 20 000 ducats, fût confisqué au profit de la dame dont il avait causé le malheur. Il fit ensuite préparer un beau festin, où il invita Bernard comme mari de Madame Genève, et Madame Genève comme une des femmes les plus estimables qu'il eût jamais connues. Il la combla d'éloges, et ce qu'il lui donna en bijoux, vaisselle et autres présents fut estimé plus de 10 000 doubles ducats. Il leur permit ensuite de retourner à Gênes. Il fit équiper, dans cette intention, un très beau vaisseau qui les y mena dans très peu de temps. Ils y arrivèrent chargés de richesses et furent reçus de leurs compatriotes avec des transports de joie. Madame Genève, surtout, qu'on avait crue morte, fut généralement fêtée de toute la ville et regardée comme une femme d'une vertu exemplaire. Au reste, le même jour qu'Ambroise fut supplicié, son corps fut dévoré jusqu'aux os par les guêpes et les temps dont ce pays abonde. Son squelette, qui demeura longtemps attaché au pal, instruisit les passants de son crime et de sa méchanceté. Son aventure nous prouve que les fourbes et les méchants sont tôt ou tard confondus et punis en présence de la victime de leur imposture.